ونرى إن شاء الله كيف كان إبراهيم يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. Donc, lors du dernier cours après Salat al-Isha, je crois que c'était avant-hier, nous avons vu la voix du prophète عليه الصلاة والسلام dans la da'wa ila Allah. Comment ils faisaient la da'wa? Et sur quoi était basée leur da'wa? Nous avons vu que premièrement, leur da'wa c'est une da'wa min Allah Azza wa Jal. Que la da'wa, leur da'wa est basée sur la révélation. Et que pour leur da'wa, deuxièmement, ils ne demandaient rien. Pas d'argent, pas de récompense de qui que ce soit. Et que dans la voie de leur da'wa, leur chemin c'est la voie qu'ils suivent, c'est la voie de la sagesse, mettre les choses à leur place. Et l'exhorte en incitant les gens à faire et en faisant peur aux gens du châtiment d'Allah. Et en même temps, ils polémiquaient avec les gens avec la meilleure des façons. Et que leur style est un style qui est clair. Il n'y a pas de poussière, il n'y a pas d'ambiguïté dedans. Et que pour leur da'wa, ils veulent rien de ce bas monde. Ils veulent la récompense minallah azza wa jal. Ces jours-ci, nous allons bientôt rentrer dans le début du mois de Dhul-Hijjah. Et durant ce mois de Dhul-Hijjah, chaque pas que fera le pèlerin, il va se rappeler un des imams de la da'wa et un des imams du monothéisme qui est Ibrahim alayhi salam. Donc nous allons voir comment Ibrahim a.s. faisait sa da'wa. Même nous qui ne faisons pas notre pèlerinage, le dixième jour de Dhul-Hijjah, nous allons faire un sacrifice qui nous va nous rappeler Ibrahim a.s. Et dans chaque prière que nous faisons, nous nous rappelons tout le temps d'Ibrahim a.s. Quand on fait Allahumma salli ala Muhammad wa ala al Muhammad kama sallaita ala al Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala al Muhammad kama barakta ala al Ibrahim. Fa Ibrahim a.s. natadhakkaruhu fi kulli yawm. Fama hiya da'watu Ibrahim a.s. Khalilullah Ibrahim huwa abu al-anbiya. فما من نبي جاء بعده إلا وهو من ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ما من نبي أتى بعد إبراهيم إلا وهو من ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام. إبراهيم لم ينتم من الله عز وجل. C'est le père des prophètes عليه الصلاة والسلام. Tout prophète qui est venu après Ibrahim عليه الصلاة والسلام, il est de la descendance de Ibrahim عليه الصلاة والسلام. قال تعالى وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ. إسحاق أبو من؟ أبو أنبياء بنو إسرائيل. ها؟ ويعقوب. وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ. وَإِسْمَاعِيلَ أَبُو مَنْ؟ أبو محمد عليه الصلاة والسلام. وهو من أبناء من؟ من أبناء إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام أبو الأنبياء الذين أتوا من بعده. Donc, il est dit dans le verset, et nous lui avons donné Ishaq comme enfant. Ishaq, Yaqub. Ishaq, c'est qui? C'est le père de qui descend toute la prophétie de Banu Israël. Yaqub, c'est qui? C'est le père du Youssef et des autres prophètes d'Allah Azza wa Jal. Et nous avons fait dans sa descendance, nous avons mis la prophétie dans sa descendance, ainsi que le livre. Nous lui avons donné sa récompense dans ce bas monde, et dans le delà, il sera parmi les vertueux. Donc tous les prophètes qui sont venus après Ibrahim alayhi salam, c'est leur père est Ibrahim alayhi salam. Ishaq, qui est le fils de Ibrahim alayhi salam, descendent de Ishaq tous les prophètes de Banu Israël. Ismaïl alayhi salam, qui est le fils de Ibrahim alayhi salam, descend duquel le dernier des prophètes alayhi salam et le sceau des prophètes alayhi salam, avec lequel la prophétie et le message a été terminé et fermé, Muhammad alayhi salam. Fa Ibrahim huwa imam al-muwahhidin. Yaqulu azza wa jal, وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنْ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ, ها الله سبحانه وتعالى ابتلى إبراهيم بكلماتٍ وأتمهن, ها, وجعله إماما للناس. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام سي الإمام دي مونوتيسم. ها الله سبحانه وتعالى اي بروفي إبراهيم ها avec des paroles qu'il a parachevées pour Ibrahim alayhi salam. Et il a fait qu'il est l'imam pour les gens. Et Ibrahim a demandé que sa descendance soit ainsi aussi. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit, mon pacte ne l'obtient pas les injustes. Wa Ibrahim kadalik wa khalilur rahman. Kama anna Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam khalilur rahman. Qala azza wa jal, ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. إبراهيم اتخذه الله سبحانه وتعالى خليل، ومحمد نبينا عليه الصلاة والسلام خليل الله كذلك. فلم تثبت الخلة إلا لنبيين كريمين إبراهيم ومحمد خاتم الأنبياء والمرسلين. لهذا عندما تقول محمد حبيب الله فأنت تنقص من مرتبة محمد عليه الصلاة والسلام، لأن كل الأنبياء أحباء الله ومحمد خليل الله، والخلة أعظم درجة من المحبة، درجة الخليل أعظم من الحبيب. فيجب لا تقول حبيب الله، هو حبيب الله ولكن درجته عند الله أعلى من حبيب الله، فهو خليل الله عز وجل. إبراهيم عليه الصلاة والسلام سلم ينتم دى الله، كم محمد عليه الصلاة والسلام إلى ينتم دى الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى بخدو بخفت تسمبلمو كم ينتم كم خليل. سي بور سا سيختان ديز كم محمد عليه الصلاة والسلام إلى شغي دى الله حبيب الله. Ça veut dire tous les prophètes sont aimés min Allah Azza wa Jal, sont les chéris min Allah Azza wa Jal, il n'y a pas de problème. Mais si tu dis que Muhammad alayhi salatu salam il est Habibullah, ça veut dire que tu as diminué de sa valeur. Il faut que tu dises que Muhammad est Khalilullah pour lui donner la valeur, parce que le Khulla est un degré plus élevé que le Habib. Al Khalil est un degré plus élevé que le Habib. Et deux prophètes ont eu cette particularité et ce privilège. Ibrahim alayhi salatu wassalam wa Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam. Il est dit dans le verset dans surat Nisa qui est mieux dans sa religion que celui qui est soumis à Allah et qui fait les choses comme il se doit à la perfection et qui suit la voie d'Ibrahim qui est monothéisme, qui a dévié de l'associationnisme, qui ne se penche pas vers l'association, mais qui est monothéiste. Et Allah a pris comme intime Ibrahim alayhi salatu wassalam. Ibrahim sallallahu alayhi wassalam kana wahdahu ummatan ummatan. Yaqulu azza wa jal inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal mushrikin shakiran li an'umihi اجتباه وهداه إلى صراط المستقيم. إبراهيم عليه الصلاة والسلام لوحده كان أمة. إذا عندما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه الجماعة في تفسير الجماعة، قيل وما الجماعة يا عبد الله بن مسعود؟ قال الجماعة الحق ولو كنت وحدك فأنت الجماعة، الحق ولو كنت بوحدك أنت هو الجماعة، لأن الحق هو الجماعة. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام كان أمة لوحده، أنه كان الموحد، كان على الحقيقة التي أراد الله، فكان أمة. إيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام lui tout seul c'était une communauté. Tout seul. Il était seul c'est une communauté. Parce qu'il était sur le monothéisme. Parce qu'il était le seul unificateur. Il était sur ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée. C'est pour ça, Abdullah ibn Mas'ud, quand il lui a posé la question sur la question du groupe, le jama'a c'est quoi? Il a dit le jama'a c'est la vérité, même si tu es tout seul. La jama'a, le groupe, c'est la vérité. Même si la personne est seule, il est dans la vérité, c'est lui le jama'a. Hein? Il est dit dans le verset, certes Ibrahim était une communauté adorateur d'Allah, dévoué pour Allah Azza wa Jal, monothéiste, il ne faisait pas partie des associateurs et il remerciait les bienfaits d'Allah Azza wa Jal. Allah subhanahu wa ta'ala l'a élu et il a guidé sur la voie droite. Ibrahim lam yakun yahoudiyan wala nasraniyan tarfat ayn ولكنه كان حنيفا مسلما اي كان موحدا ها مسلما امره لله سبحانه وتعالى منقادا لله مطيعا لله في التوحيد ابراهيم او كان لابس دو تو ان ايتي جويف ني كريتيان مي لي تي مونوتيست سومي الله عز وجل الوان دو توت فورم داسوسياسيونيزم قال عز وجل ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. Il est dit dans le verset, Ibrahim n'était ni juif ni chrétien, mais il était monothéiste. Il n'était pas associateur. أمر الله سبحانه وتعالى في كتابه محمدا عليه الصلاة والسلام أن يتبع ملة إبراهيم. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran a ordonné à Muhammad alayhi salatu wa salam de suivre la voie de Ibrahim alayhi salatu wa salam. Qala ta'ala thumma awhayna ilayka an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana min al-mushrikin. Thumma awhayna ilayka ya Muhammad an ittabi' man millata Ibrahim hanifa wa ma kana min al-mushrikin. Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à Muhammad alayhi salatu wa salam de suivre la voie d'Ibrahim alayhi salatu wa salam. Il est dit dans le verset et nous t'avons révéler qu'il faut que tu suives la voie de Ibrahim qui était monothéiste et qui n'était pas associateur. Wa amarana Allah subhanahu wa ta'ala an nata'assa bi Ibrahim alayhi salatu wassalam wa bil ladina amanu ma'a Ibrahim wa nahnu ma'murun min Allah subhanahu wa ta'ala an na'khudha al uswa wal qudwa fi Ibrahim وفي من آمن مع إبراهيم عليه الصلاة والسلام. الله سبحانه وتعالى nous a ordonné aussi de prendre comme modèle et de suivre le modèle de إبراهيم عليه الصلاة والسلام et de ceux qui ont cru avec إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال تعالى لقد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. لقد كان لكم أسوة حسنة أي مثال يقتدى به ها في إبراهيم والذين معه. Il est dit dans le verset, et vous aviez le plus noble des exemples, et le meilleur des exemples, dont Ibrahim et ceux qui le suivent. Donc Allah a décrété que Ibrahim et ceux qui l'ont suivi est un modèle pour nous. Wa Ibrahim sallallahu alayhi wa sallam da'a ila al-tawhid wa ila la ilaha illallah fabada'a bi abihi alayhi salati wa salam fada'ahu ila al-tawhid ثم دعا قومه إلى عقيدة التوحيد ثم دعا النمرود طاغية ذلك الزمان وكان هذا النمرود يدعي الربوبية دعاه إلى التوحيد وناظره عليه الصلاة والسلام إبراهيم عليه الصلاة والسلام appelé vers le monothéisme vers لا إله إلا الله ni digne d'être adoré qu'Allah Azza wa Jal. Il a commencé avec le monothéisme. Il a commencé par qui? Il n'a pas été aux étrangers à lui. Il a commencé par son père en premier. Wa andir ashirataka al-aqrabin. Hein? Tes proches en premier. Il a été directement à qui? Il a fait l'appel. Il a da'wa à son père en premier. Ça, c'est la da'wa des prophètes alayhi wa sallam. Il commence par les priorités. Le monothéisme, leur point de départ, c'est le monothéisme. Et ils commencent par ceux qui les entourent et leurs proches. Ibrahim, alayhi salatu wassalam, que Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé de prendre comme exemple, a commencé par qui? Par son père. Donc nous devons commencer de là où ont commencé les prophètes, alayhi salatu wassalam. Notre entourage en premier avant d'aller voir les autres. Et une fois qu'il a fait l'appel, il rappelle à son père, il a commencé avec son peuple. Et avec le roi Nimrod, le tyran de son époque, qui a prétendu être le souverain. Donc il est allé étape par étape. Il a commencé par la priorité des priorités. En partant du monothéisme. Et tous ceux qu'il a approchés, il les a appelés au fait de réserver le culte exclusivement à Allah Azza wa Jal. Wallahu amarana an nata'assa bi Ibrahim fi da'wati ila at-tawhid. Wa amarana an nata'assa bi fi da'wati fa Ibrahim bada'a bi abihi qabla kulli shay. Fa alayna an nabda'a bi muhitina wa bi man tahta ri'ayatina. Allah amar Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa andir 'ashiratakal aqrabin lulin. ها هما الاولين ودوك اللي دايرين بك القوم ديالك عاد للبعيد ابدا بالاول واول من يجب عليك هادوك اللي في المسؤوليه ديالك سو كي سون بريوريتي كو دووا ها بريشي اون بريوريتي سو سون سو سور لوكيل الله سبحانه وتعالى يبات بوزي دي كيسيون سو كي سون سو تاتوتيل ها تي زونفون تا فام ها تي بارون اي تي بروش. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام دعا والده إلى ماذا؟ إلى عقيدة التوحيد. فلنتعلم ونتربى من إبراهيم عليه الصلاة والسلام كيف ندعو آباءنا، كيف ندعو أمهاتنا، كيف ندعو آباءنا وأمهاتنا إن كانوا يعبدون القبور، كيف ندعوهم إلى الله سبحانه وتعالى. Donc nous devons apprendre de Ibrahim عليه الصلاة والسلام comment prêcher nos parents, comment prêcher nos mères et nos proches, surtout si nous sommes éprouvés par des parents qui adorent les tombes, qui adorent Salihin, qui adorent les morts. Comment les prêcher? Apprenons tout ça dans la da'wah du prophète alayhi salatu wassalam, en commençant par la da'wah d'Ibrahim alayhi salatu wassalam. Fa-kayfa nad'u l'aba? يجب أن نتعلم هذا من الأنبياء. فهل الذي يضرب والده أو يسب والده أو يهجر والده هذا يدعو؟ هذا ليس من الإسلام في شيء وليس من منهج الأنبياء في شيء. Est-ce que maintenant celui qui dénigre ses parents, celui qui les insulte, celui qui les quitte, qui leur donne le dos, celui-là il a pris la voie du prophète عليه الصلاة والسلام. Ceci ce n'est pas un comportement du musulman et ça ne fait pas partie de l'islam. فيجب علينا ان نتعلم الادب من رسول الله وانبياء الله ونتعلم الادب كيف ندعو والدينا ولو كانوا كفارا من ابراهيم عليه الصلاه والسلام. فابوه كان يعبد الاصنام بل كان آزر والد ابراهيم عليه الصلاه والسلام ينحت الأصنام أي يصنع الأصنام بيده ثم يبيعها إلى الناس. فهل سمعتم إبراهيم عليه الصلاة والسلام سب أباه أو شتم أباه؟ هل ضرب أباه؟ لا أبدا. كيف يفعل ذلك وهو الذي تربى على مائدة لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى؟ وربنا يخبرنا في كتابه كيف كانت دعوة إبراهيم لأبيه الكافر. Donc nous devons apprendre le comportement de la da'wa. Si nous devons faire la da'wa à nos parents, même s'ils sont associateurs ou mécréants, nous devons apprendre le comportement à avoir avec de la da'wah du prophète alayhi salatu wassalam en passant par Ibrahim alayhi salatu wassalam. Comment Ibrahim a appelé son père Azar? En plus, Azar n'était pas associateur tout simplement. Il fabriquait les statues que les gens adorent. Mal sur mal. Est-ce que vous avez entendu dans l'histoire du prophète alayhi salatu wassalam qu'Ibrahim a insulté son père ou qu'il a frappé son père ou qu'il a eu un mot de travers vis-à-vis de son père? Hein? Non. Loin de là. Ça ne peut pas être autrement puisque Ibrahim alayhi salatu wassalam a été éduqué sur la ilaha illallah. Ni digne d'être adoré qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran nous apprend comment Ibrahim alayhi salatu wassalam a fait la da'wa à son père. Qala ta'ala واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه. شو ما اسمع الأدب يا أبتي تلطف يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. اللطافة والأدب يا أبتي. أدمنتنو كمو الله سبحانه وتعالى إنو كنت كمو le comportement qu'avait Ibrahim alayhi salam avec un associateur fabriquant des statues que les gens adorent. Hein? Il est dit dans le verset, et rappelle-toi, et rappelle aux gens, et cite dans le livre Ibrahim, qui était véridique et prophète. Hein? Véridique et prophète. Et tous les prophètes ont été véridiques avant qu'ils soient prophètes. Quand il a dit à son père, « Oh père, ya abati », le terme « ya abati », cette expression en arabe, c'est une expression qui exprime le comportement et la noblesse du comportement. « Ya abati, pourquoi tu adores ce qui n'entend pas et ce qui ne voit pas, ce qui ne peut rien pour toi ?» Alors, « ya abati », la noblesse du comportement dont la façon dans laquelle s'est adressé Ibrahim à son père. وَعَادَهَا مَرَّةً تَانِيَا يَا أَبَتِي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا. يَا أَبَتِي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ. ما قال لي أهيادك الجهل أهيادك ولو. لكن يا أبتي قد جاءني من العلم ما قال لي أهيادك الجهل وكذا. ولكن أدب أدب هذا يجب أن نتربى على منهج الأنبياء ومن تبع الأنبياء واتباع الأنبياء ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. وهذه la deuxième fois il va utiliser le même terme qui te montre la noblesse du comportement. يا أبتي viens, il m'a été donné une science que tu n'as pas, suis-moi, je vais te guider sur la voie droite. Il lui a pas dit espèce d'ignorant, qu'est-ce que tu fais, etc. Hein? Ya Abati, j'ai reçu une science que tu n'as pas. Hein? Suis-moi, je vais te guider sur la voie droite. Ya Abati, مره ثالثه adab. Ya Abati, la ta'budi ash-shaytan, inna ash-shaytana kana lir-rahman 'asiya. Hein? Oh père, n'adore pas shaytan, car shaytan est un grand désobéissant à Allah. Est un grand désobéissant au clément. واتاه مرة الرابعة يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. خايف على باه شفقة ورحمة تبين لباه بأنه خايف عليه. يا أبت il montre la quatrième fois, il montre à son père qu'il a peur pour lui, que lui arrive un châtiment et qu'il devient l'allié d'Yel Shaitan. Oh père, j'ai peur que tu touches un énorme châtiment du clément et que tu sois un allié d'Yel Shaitan. Fasma al-an, kayfa sayuwajihu walidu? Qala araghibun anta عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. ردت الفعل دروكا واش بغيتي تعطيني ابتساع بغيتي تخلي الالهه ديالتي ولا غادي نرجمك. Maintenant regarde la réaction du père. Est-ce que tu vas me laisser tranquille et laisser ma divinité tranquille, sinon je vais te lapider avec des pierres. Hein? Laisse-moi tranquille. Il a tout rejeté. Ibrahim a eu un discours dans lequel il n'y a qu'au comportement. Hein? Et là, la réaction est dure de la part du père. Maintenant, qu'est-ce que la réaction du fils est quoi? Ibrahim alayhi salam. Qala salamun alayka sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya. Salamun alayk. Ma kayn ishkal. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما ما في إشكال أنا غادي نطلب الله سبحانه وتعالى. Et maintenant la réaction du fils d'Ibrahim عليه الصلاة والسلام était d'un noble et te montre la noblesse du caractère. Il a dit سلام عليك إلا السلوي. Mais je vais demander à Allah سبحانه وتعالى pour qu'il te pardonne. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala exauce mes du'as. Hein? Il lui a pas dit vas-y et vas-y et tant pis pour toi et vas-y une toi comme un. Là, loin de là. Mais il est resté dans, comme il a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, quand ils ignoreront leur part, ils disent salam alaikum. Ils ne répliquent pas. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. أنا غادي نخليكم أنتم وداك الشيء اللي تتعبدوا وأنا غادي نطلب الله سبحانه وتعالى نعبد ربي سبحانه وتعالى باش ما نكون شقي. Et il dit, je vais vous laisser et je vais vous quitter, hein? Et je vais adorer Allah, hein? Et je vais adorer Allah, réserver mon culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله ماذا وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. من اللي خلاهم وخلاهم في الجاهلية ديالهم وفي الشرك ديالهم كرموا الله سبحانه وتعالى باش بإسحاق ويعقوب ومن وراء إسحاق يعقوب وجعل في الدرية ديالته النبوة نعمة من الله إكرام من الله. Et quand il les a laissés dans leur association, etc., Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a honoré et il l'a comblé de bienfaits, ce qu'il lui a donné Ishaq. Et après Ishaq, Yaqub, il a fait la prophétie dans Ishaq et dans la descendance de Ishaq. Un bienfait, min Allah, quand il les a laissés dans leur ignorance, dans leur associationnisme. وَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًا. الله سبحانه وتعالى كرم هذيك الدرية ديال إبراهيم عليه الصلاة والسلام وجعل لهم اللسان ديال الصدق وكرمهم الله سبحانه وتعالى بالرحمة ديالو. Et donc ici descendance de Ishaq et de Yaqub, الله سبحانه وتعالى les a comblés de grands bienfaits, ce qu'il leur a donné qu'ils ne disent que la vérité. صلوات ربي وسلامه. فهذا قرآن كريم كلام ربنا عز وجل يعلمنا كيف ندعو إلى التوحيد. Hein? Ça c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, le Coran, ces versets, hein? Qui est la parole d'Allah azza wa jal, hein? Nous apprend comment on doit appeler vers le monothéisme, hein? Notre école elle est là, nos enseignements sont là dans la parole d'Allah azza wa jal et dans la façon de faire des prophètes alayhi salatu wa salam. Azar kafir falnandur إلى هؤلاء الذين يعتدون على والديهم وآبائهم وليسوا بكفار. ها هذا كافر. وشوف الأدب ديال إبراهيم عليه الصلاة والسلام. شوف دابا الشباب ديالنا البعض فيهم كي تتعدى على والديه وهما ماشي كفار مسلمين. فكيف هؤلاء ليسوا على منهج الأنبياء وليسوا على طريق مستقيم. وغادي منتنو آزر ستامك خيهم. Et regardez comment Ibrahim alayhi salatu salam était avec son père mécréant. Hein? Regardez, comparez ça à certaines, à une grande partie de la jeunesse musulmane, comment ils sont durs avec leurs parents alors que leurs parents sont des soumis à Allah azza wa jal. Est-ce que ceux-là, en étant durs avec leurs parents, sont sur la voie du prophète alayhi salatu salam? Par Allah que non. آزر كافر يحب الأصنام ويصنع الأصنام ويحب الأصنام أكثر من إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ينحتها بيده ويقوم ببيعها للناس. فلنتأدب في زماننا هذا الزمان العجيب الذي أخذ الناس الآداب من المفسديونات وتركوا منهج الأنبياء وظلوا وأظلوا. آزر était mécréant. Et il aimait les statues plus que Ibrahim عليه الصلاة والسلام, son fils. Il les fabriquait pour son peuple. Il les vendait à son peuple. Et nous devons prendre la leçon et le comportement dans la vie d'Ibrahim عليه الصلاة والسلام. À cette époque extraordinaire où les gens prennent les leçons et le comportement dans les télés. Et ils se sont égarés, ils ont égaré en même temps. يوم تربى الصحابة رضوان الله عليهم على مائدة القرآن وعلى السنة فتحوا العالم كله. ويوم أن تركنا كتاب ربنا وسنة نبينا ومنهج سلفنا الصالح رضوان الله عليهم وتربينا على شاشة المفسديونات، ضيعنا العالم وسلمنا العالم لأعداء الله، وسقطت بلاد الإسلام بلدة تلو الأخرى في أيدي الكفار، ونحن أكثر منهم عددا ولكننا غتاء كغتاء السيل، لا قوة لنا ولا يسمع لنا. Le jour où les compagnons de Mohammed alayhi salatu wasalam ont été éduqués avec le Coran et avec la sunna de Mohammed alayhi salatu wasalam, ils ont conquis le monde. Et le jour où nous avons laissé de côté le livre d'Allah et l'authentique de la sunna de Mohammed alayhi salatu wasalam et la voix de nos plusieurs d'Allah alayhim, nous avons perdu et nous sommes éduqués sur les chaînes de télé, nous avons perdu le monde. Et nous avons donné les clés de ce monde aux ennemis d'Allah Azza wa Jal. Et pays de l'islam et pays de l'islam tombent d'une façon directe ou indirecte entre les mains des ennemis d'Allah Azza wa Jal. Alors que nous sommes plus en nombre qu'eux, mais nous sommes comme des brindilles, aucun poids. Nous avons aucun poids, aucune puissance du vent. Pourquoi ? Parce que notre puissance, de là où il fallait la prendre, le livre d'Allah et l'authentique de la sunna du prophète alayhi salam et la voix des compagnons de Mohammed alayhi salam et ceux qui les suivent à la perfection, nous leur avons donné le dos. Et nous avons pris notre civilisation et notre éducation et nos orientations de la télé. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. وصف الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام بالصدق قبل أن يصفه بالنبوة. وهل أرسل نبي إلا وهو متصف بالصدق وهو أمين؟ وإبراهيم عليه الصلاة والسلام كان صادقا قبل النبوة صلوات ربي وسلامه عليه. ورسولنا صلى الله عليه وسلم كان يلقب بالصادق الأمين قبل النبوة. صدق في العقيدة، صدق في الإيمان، صدق في الدعوة، فقد كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام صادقا في دعوته مع أبيه، وكان يريد من أبيه أن يترك عبادة الأصنام لينجو من عذاب الله عز وجل. Et rappelle-toi dans le livre Ibrahim عليه الصلاة والسلام, il était véridique et prophète. Allah سبحانه وتعالى décrit Ibrahim عليه الصلاة والسلام avant de le décrire avec la prophétie, il l'a décrit avec la véracité, comme quoi il était véridique. Et tout prophète qui a été envoyé, il est véridique avant la prophétie. Et Ibrahim, il était véridique et homme de confiance avant la prophétie. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Et notre prophète, alayhi salatu salam, l'un de ses surnoms, les mécréants ont l'appelé comment? L'homme de confiance et l'homme de la vérité et le véridique. L'homme de confiance et le véridique. Il était véridique dans ses croyances, dans sa foi, dans sa façon de faire dawa. Et Ibrahim alayhi salam, il était véridique avec son père quand il le prêchait vers Allah Azza wa Jal, parce qu'il voulait pas. Il voulait sauver son père du châtiment et de la mécréance. ثم يبدأ إبراهيم عليه الصلاة والسلام دعوته بهذا النداء اللطيف يا أبتي. إبراهيم عليه الصلاة والسلام a commencé sa dawa avec cet appel dans lequel tu sens la noblesse du comportement, où il a dit à son père يا أبتي, ô père. نعم هو أبوه وله فضل عليه بعد الله سبحانه وتعالى في وجوده في هذه الحياة وبهذا النداء يصل إلى قلب أبيه. وإذا توصلت إلى قلوب الناس تمكنت منهم وأحبوك، فإن قلت سمعوا لك، أما إذا أبغضوك فروا عنك ولم يسمعوا لك. يا أبتي وكيف لا يقول كذلك؟ يا أبتي وقد تربى على مائدة الإسلام وهو نبي من أنبياء الله وخليل الله عز وجل، كيف لا يقول يا أبتي ويتحلى بهذه الآداب الرفيعة. ها Et donc, il a commencé l'appel à son père avec cette expression dans laquelle on sent la noblesse, dans laquelle il y a la noblesse du comportement. C'est son père. Après Allah Azza wa Jal, hein, c'est lui qui est la cause de sa venue à ce monde. Et avec cet appel, cette expression douce, il va atteindre son cœur. C'est pour ouvrir son cœur. Car les gens, si tu arrives à leur cœur, ils t'arrivent à l'ouvrir leur cœur, ils vont t'écouter, ils vont t'aimer. Ils vont t'écouter, ils vont te suivre. Mais s'ils te détestent, n'arrivent pas à ouvrir leur cœur et qu'ils te détestent, ils ne vont pas t'écouter. Hein? Ils vont te rejeter, ils vont se sauver de toi. Il a dit, « Ya Abati ». Ça ne peut pas être autrement. Lui, le prophète d'Allah, Azza wa Jal, l'ami intime qui est éduqué dans la soumission à Allah. Allah, subhanahu wa ta'ala, l'a éduqué à être soumis à lui, à être monothéiste. Donc, ça implique qu'il doit avoir cette façon de faire, cette noblesse, hein, et ce noble comportement. Tadakkaru Yusuf alayhi salatu wassalam. Indama ra'a ru'ya, mada qala li abihi Ya'qub. Qala ya abati, inni ra'aytu 10 kawkaban wash-shamsa wal-qamara ra'aytuhum li sajidin. Nafsuha. يا أبتي فلنتذكر إسماعيل عليه الصلاة والسلام ماذا قال له أبوه عندما قال له أبوه إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال إسماعيل يا أبتي فعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فهؤلاء تربوا على الاستسلام لله تربوا على أنه لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى Qu'on se rappelle, Youssouf alayhi salatu salam, quand il a vu son rêve, qu'est-ce qu'il a dit à son père ? Ya Abati, la même expression. Ya Abati, j'ai vu 11 astres se prosterner pour moi, et j'ai vu la lune, le soleil et la lune se prosterner aussi pour moi. Et qu'on se rappelle aussi, Ismaïl alayhi salatu salam, quand son père lui a dit, j'ai vu dans le rêve que je vais, que je dois t'égorger. Il lui a dit, « Ya Abati, fais ce qui t'a été ordonné. Et tu vas me trouver patient, Inch'Allah. » Ceux-là, ils ont été éduqués à réserver le culte exclusivement à Allah Azza wa Jal. Ils sont éduqués à être soumis à Allah Azza wa Jal. C'est d'eux que nous devons prendre la leçon. Hein? « Kullun minna l'an yandur ila auladeh. » وإلى التربية التي ربوا عليها لأننا جئنا بالمفسدين إلى البيت بالليل والنهار يدمر المفسدين بيوتنا فلننظر إلى أولادنا ولننظر إلى نسائنا أصبحنا لا نفترق بين الكفار في ملابسنا وفي بيوتنا بيوتنا تشبه بيوت الكفار ملابس أبنائنا يشبهون ملابس الكفار مظهرنا يشبه مظاهر الكفار لماذا؟ لأن أولادنا تربوا على ميكي ماوس وتنتي ميلود وفضمة وبيدي ميرجيز هذا الذي تربوا عليه ولم يتربوا على التشبه بعائشة رضي الله عنها وبعلي رضوان الله عليه وعبد الله بن مسعود وبمحمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم ويوسف فماذا ننتظر منهم؟ نحن أدخلنا المفسديونات إلى البيت ونريد منهم أن يكونوا أمثال صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنى لهم ذلك ونحن دمرناهم بأيدينا نو شكان دو نو رغارد سا رياليتي اون فاس il regarde ses enfants il regarde l'éducation sur laquelle ont grandi ses enfants nous avons ramené cette télé à l'intérieur de la maison jour et nuit la télé détruit nos enfants Et l'éducation de nos femmes, de nos sœurs, de nos mères. Hein? Et regardez l'apparence qu'ont nos enfants maintenant. Regardez, vous n'avez pas besoin de dessin. Ils ressemblent à tout dans leur aspect extérieur. Ils ne ressemblent pas à Mohammed alayhi salatu wassalam. Ils ont pris tout du kafir. Nos intérieurs aussi ressemblent plus aux maisons d'Al-Kuffar comme ils ont du musulman. Pourquoi tout ça? Parce que notre éducation, l'éducation de nos enfants s'est faite sur les télés. Mickey Mouse, hein? Tintin et Miloud, Fadma au pays des merguez, et vas-y j'en passe. À longueur de journée, ils n'arrêtent pas d'avaler, hein? Des dessins animés dans lesquels ils apprennent tout, sauf le comportement avec les parents, sauf le respect de la religion, sauf le respect des compagnons de Mohammed Ali. Ils apprennent tout. Tout ce qui est débauche, tout ce qui est libertinage, ils l'apprennent là-dedans. Qu'est-ce qu'on veut? Après, on se plaint. Nous avons qu'à nous prendre à nous-mêmes. C'est nous qui se détruisons nous-mêmes. C'est nous qui avons mis la bombe à l'intérieur de nos maisons. Enfin, qu'on se plaint à nous-mêmes, et qu'on se prend à nous-mêmes, et qu'on se pose des questions. Qu'est-ce qu'on veut de nos enfants? Qu'est-ce qu'on veut de nos femmes? Qu'est-ce qu'on veut de nos filles? Où est-ce qu'on va? Alayna, نسأل أنفسنا ماذا نريد من أولادنا ماذا نريد من نسائنا إلى أين نحن نسير إلى أين نحن نسير فغدا سنقف بين يدي الله وسيسألنا عمن استرعانا نحن مسؤولون يا عباد الله demain nous allons être debout devant Allah. Il va nous poser des questions sur ceux qu'il a mis sur notre tutelle. Où est-ce que nous allons, hein? Qu'on se rappelle ça, qu'on ne l'oublie pas. علينا الا ننسى ذلك اليوم الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. يقول ابراهيم عليه الصلاه والسلام الذي تربى رباه الله على التوحيد يا ابتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر يريد من ابيه ان يفكر يريد من ابيه ان يتدبر كأنه يقول له فكر يا أبي انتبه يا أبي من غفلتك والله لو فكر آكل الربا ولو فكر الزاني ها فيما سيلقاه عند الله سبحانه وتعالى لما زنى الزاني ولما أكل الربا آكل الربا ولو فكرت المتبرجة وعقلت أنها تبيع لحمها لذئاب الشوارع ما تبرجت ولو فكر المدخن أنه يقتل نفسه وسيسأل عنها أمام الله ما دخن أبدا ولو فكر الذي يحلق لحيته أن الله سيسأله عن لماذا لم يطع الله لماذا غير خلق الله لماذا اتبع الشيطان لأن الشيطان قال ولأمرنهم وليغيرن خلق الله والرجل الذي يحلق لحيته هو يغير خلق الله ويطيع في ذلك الشيطان فلو فكر ماذا يفعل ما أطاع الشيطان لأطاع ربه عز وجل هنا الله عز وجل إلى دي إبراهيم عليه الصلاة والسلام أو بير pourquoi tu adores ce qui n'entend pas et ce qui ne voit pas. Il veut que son père médite, il veut que son père réfléchisse, qu'il se réveille de son insouciance et de son sommeil. Réfléchis, père. Hada. Il n'entend pas, il ne te voit pas. Pourquoi tu l'adores? Ici, celui qui baigne dans l'usure et dans les crédits à intérêt, etc., c'est ce qu'il est en train de manger. Et les questions qui vont lui être posées, et comment ça va être sa situation le jour de la résurrection, mais il n'aurait pas approché. Riba, n'importe qu'il soit. Ici, celle qui s'exhibe, hein, était douée de raison. Il savait qu'il est en train de vendre son corps à des loups dans la rue. Il ne serait pas exhibé. Ici, celui qui fume, c'est qu'il est en train de se tuer. Et que demain, Allah subhanahu wa ta'ala lui posera des questions, mais il n'aurait pas approché la cigarette. Et c'est celui qui se rase la barbe, savait qu'il est en train de suivre Shaitan et de changer la nature d'Allah Azza wa Jal, il ne l'aura pas fait. Parce que le fait de se raser la barbe, c'est suivre Shaitan. Parce que Shaitan a dit, je vais leur ordonner, ils vont changer la créature d'Allah Azza wa Jal. Allah, il a créé, hein, l'homme avec une barbe, donc ça c'est la nature. Et celui qui la rase, il suit Shaitan, il change la nature d'Allah Azza wa Jal. Ibrahim, يريد من أبيه أن يفكر يا أبتي لما تعبد هذه الأصنام التي لا تسمع وآزر يعلم أن هذه الأصنام لا تسمع ولا تبصر، وآزر يعلم أنها لا تراه ولكن لا يفكر، ولا تغني عنه شيئا ولكن لا يفكر، كما قال الله سبحانه وتعالى فيهم: لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. إبراهيم voulait de son père عليكم السلام ورحمة الله qu'il réfléchisse, qu'il médite sur cette situation. Père, pourquoi tu adores ces statues? Ils ne te voient pas, ils ne t'entendent pas. Hein? Ibrahim, il sait que ces statues ne le voient pas, ils ne l'entendent pas, mais il ne pense pas, il ne réfléchit pas. Hein? Il sait que ces statues ne peuvent rien pour lui, mais il est comme ce que Allah subhanahu wa ta'ala décrit dans le Coran: ils ont des cœurs avec lesquels ils ne comprennent rien. Ils ont des yeux avec lesquels ils ne voient rien. Ils ont des oreilles avec lesquelles ils n'entendent rien. Et ceux-là sont comme les bestiaux, sinon plus égarés que les bestiaux. Et ceux-là, ce sont les insensés. Hein? Ça, c'est la description qui est faite dans le Coran. يقول له إبراهيم يا أبتي قد جاءني من العلم ما لم يأتك. انظر إلى العلم. ما قال له يا أبتي أنت رجل جاهل كما يقول الشباب في هذا الزمان لأبوهم، أنتم لا تعرفون شيئا، أنتم جهال، أنتم لم تقرأوا شيئا ولا عرفتم شيئا. وما قال له يا أبتي أنا أعلم منك، كي تيقولوا الدراري ديالنا دروك أنا تنعرف حسن منك، وإنما هذا الذي أقوله لك يا أبتي وحي من عند الله. وفي هذا إشارة إلى أن علم التوحيد يهدي إلى صراط مستقيم. فمن تعلم علم التوحيد وعلم الناس علم التوحيد هدي إلى صراط مستقيم في أفعاله، في أخلاقه، في معاملاته، في كل شيء. ها؟ Il a dit à son père, « Ya Abati, il m'a été donné une science que tu n'as pas. » Regarde maintenant la science qu'il fait. Il ne lui a pas dit, « Toi l'ignorant, toi mon père tu es ignorant, tu ne sais rien, tu ne sais même pas écrire, tu ne sais... » Comme ils disent les jeunes maintenant. « Vous ne savez rien, vous n'avez pas étudié, vous êtes des ignorants, vous ne savez pas écrire, vous ne savez pas lire, vous ne comprenez rien. » Regarde le prophète d'Allah Azza wa Jal. Il lui a pas dit, je suis plus savant que toi, ou je connais mieux que toi. Hein? Mais il lui a dit, Père, ce que je suis en train de te dire, c'est une révélation qui me vient min Allah. Ce n'est pas de moi. C'est quelque chose qui me vient min Allah. Et dans ça, il y a une allusion au fait que la science du monothéisme guide vers la voie droite, guide vers les meilleures des choses, que ce soit dans le comportement, dans la façon de faire avec les gens, de la façon, le comportement hein, dans lequel on va être avec les parents, etc. Celui qui apprend le monothéisme et qui enseigne le monothéisme, celui-là va être guidé dans son comportement. Que ce soit dans son comportement, dans tout, il va être guidé dans le bien, dans tout, dans le comportement, dans sa façon de faire, dans la société, dans sa façon déjà de faire avec Allah Azza wa Jal. Il va réserver son culte exclusivement à Allah Azza wa Jal. Il va être soumis à Allah Azza wa Jal. Il va être d'un bon comportement avec la sunna de son prophète alayhi sallam et avec les autres aussi. وللمره الثالثه يقول له يا ابتي لا تعبد الشيطان ان الشيطان كان للرحمن عصيا. مع ان آزر يعبد الاصنام وعباده الاصنام هي عباده الشيطان، فهذا وحي من الشيطان. وكل من دان لغير الله سبحانه وتعالى فهو عابد للشيطان. وقد أخذ الله على بني آدم العهد أن لا يعبدوا الشيطان، ومع ذلك عبدوه. ولذلك يوم القيامة يوبخ الله عز وجل بني آدم على عبادتهم للشيطان، فيقول تعالى: ألم أعهد إليكم، أي ألم آمركم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، أنا أمرت وأنا قلت لكم وإياكم من عبادة الشيطان، إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، ولقد ضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون. راه بزاف نظلم الشيطان وفي الخراش ها الوعيد جهنم ها. دونك اي بور لا ترويزيام فوا ابراهيم عليه الصلاه والسلام سادريس ا سون بير ويدي او بير يا ابتي نادور با شيطان كار شيطان il a désobéi au Clément. C'est un grand. Hein? Il est dans une grande désobéissance au Clément. Pourtant, Hazar adorait les statues. Et l'adoration des statues, en réalité, c'est l'adoration de Shaitan. Parce que c'est une révélation de Shaitan. Et tous ceux qui adorent autre qu'Allah Azzawajal, en réalité, ils adorent Shaitan. Allah subhanahu wa ta'ala a pris un pacte sur la descendance d'Adam qui ne doivent pas adorer Shaitan. Et malgré tout ça, ils l'ont adoré. Et c'est pour ça que le jour de la résurrection, Allah subhanahu wa ta'ala, il va blâmer la descendance d'Adam pour leur adoration à Shaitan. Il est dit dans le verset, est-ce que je ne vous ai pas ordonné, descendants d'Adam, de ne pas adorer Shaitan? Car c'est un ennemi déclaré pour vous. C'est le plus grand ennemi déclaré pour vous. Adorez-moi, ça c'est la voie droite. Et Shaitan a égaré beaucoup de monde. Mais vous ne réfléchissez pas, vous ne raisonnez pas. Ça c'est Jahannam qui vous a été annoncé. Hein? Ça c'est le blâme le jour de la résurrection pour ceux qui ont adoré Shaitan, qui ont adoré autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yaqulu Ibrahim li abihi lil marrati rabi'a. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. يخوف أدب والده ولكن بالأدب. إني أخاف أن ينزل بك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. وإذا اتخذ الإنسان الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. تنظر إلى هذا الأدب الرفيع. فعلينا أن نتأسى بأنبياء الله عليهم الصلاة والسلام. Regardez pour la quatrième fois ce comportement qu'a Ibrahim عليه الصلاة والسلام avec son père. يا أبتي, j'ai peur que tu sois touché par le châtiment du Clément et que tu sois l'allié de Shaitan. Il est en train de faire peur à son père, mais avec comportement. J'ai peur que le châtiment d'Allah Azza wa Jal ne te touche et que tu sois l'allié d'Yal Shaitan. Et quand quelqu'un est l'allié d'Yal Shaitan, il a tout perdu. Il a la grande perte dans ce bas monde et dans le delà. Qala ta'ala wa man yattakhidh ash-shaytana waliyan min dunillahi faqad khasira khusrana al-mubina. Wa qala ta'ala istahwada alayhim ash-shaytanu fa ansahum dhikra Allah ulaika hizbu ash-shaytan. Et il est dit dans le verset, celui qui prend Shaitan comme allié en dehors d'Allah, il a perdu la grande perte. Il a eu la grande perte. Et il est dit dans l'autre verset, Shaitan s'est accaparé d'eux et il leur a fait oublier l'invocation d'Allah. Et ceux-là, ce sont le parti d'Yal Shaitan et le parti d'Yal Shaitan, c'est le parti perdant. فانظر انت الى هذا الوالد الجاهل الذي تربى على مائدة الأصنام وعلى الشرك ما قال له يا ولدي كما قال يعقوب ليوسف الذي تربى على التوحيد يا بني ها يعقوب قال لابنه يا بني آزر قال لم يقل لي لإبراهيم يا ولدي أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم الاخر قال لي يا بني لا تحكوا لا ما تحكيش الرؤيا يا بني تلطف ما ما تحكيش الرؤيا ديالك لخوتك قال اراغب انت عن الهتي يا ابراهيم اي راغب عن هذه الاصنام واش غتخليني في افتقار مع الاصنام ديالي وهذا يدل على ان اعداء التوحيد واعداء دعوة التوحيد موجودون من قديم الزمان وسيبقون إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وأسلوبهم متشابه نفس ما يقولون في ذلك الوقت يقوله الآن نفسه إلا الأساليب التي تتبدل وإلا فنفس العداوة هي نفس العداوة وتتبدل الأسماء والألقاب التي يطلقونها على أهل التوحيد دي maintenant ce père ignorant qui a été éduqué sur l'associationnisme il a pas dit oh mon fils comme Yaqub a dit à son fils Yusuf il a dit ya bunay ne compte pas ton rêve à tes frères mais le père de Ibrahim lui a dit est-ce que tu vas laisser tranquille ma divinité sévèrement l'associationnisme donne la sévérité aux personnes le monothéisme donne le comportement et le doigté et la sagesse est-ce que tu vas laisser mes divinités c'est-à-dire ces statues et ça te prouve que les ennemis de la da'wa d'yel tawhid existent depuis l'aube des temps depuis l'aube des temps les ennemis d'yel tawhid existent et ils vont rester et ils existeront jusqu'à la fin des temps et leur style est identique il n'y a que leur expression qui change mais sinon c'est la même façon de faire la même haine qu'ils ont entre les sur les monothéistes et sur la da'wa du monothéisme فهدده آزر بالقتل والطرد من البيت فماذا قال إبراهيم آزر avertit son fils s'il ne s'arrête pas et qu'il ne laisse pas ses statues tranquilles qu'il va le chasser de la maison ou le tuer il l'a menacé mais qu'est-ce qu'il a dit Ibrahim سلام عليك سأستغفر لك ربي نعم لأن إبراهيم من عباد الرحمن الذين وصفهم الله سبحانه وتعالى وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما أي لا يصلك مني أذى يا أبي وطمعا من إبراهيم أن يهتدي والده إلى الإسلام قال سأستغفر لك ربي أي سأدعو الله سبحانه وتعالى فما كان من إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلا أن قال يرحمك الله وأعتزلكم وما تدعون من دون الله ترك الأصنام ومجالس عباد الأصنام après que son père l'a menacé Ibrahim n'a pas été sévère avec lui il dit salut père mais je vais continuer à faire dua demander à mon seigneur parce que Ibrahim il fait partie des serviteurs du clément Ce que Allah subhanahu wa ta'ala décrit ainsi, quand les ignorants leur parlent, ils disent salamu alaykum, ils les laissent. Ils s'en éloignent. Il disait à son père, aucun mal ne va te venir de moi. Mais Ibrahim continue à avoir l'espoir que son père va être guidé. Il continue à faire dua pour son père. Et Ibrahim, quand il a vu la situation ainsi, qu'est-ce qu'il a dit ? Je vais m'éloigner de vous et délaisser ce que vous adorez en dehors d'Allah, Azza wa Jal. Je vais laisser les statues que vous adorez et les lieux où vous adorez ces statues et je vais m'éloigner. فَلَمَّا اَعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ اَيْ هَجَرَهُمْ وَتَرَكَهُمْ أَبْدَلَهُ اللَّهُ أَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ Et quand il les a laissés, Et ce qu'ils adorent en dehors d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, lui a donné une autre famille mieux que la sienne. Il y a un autre peuple mieux que le sien. Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné mieux. فَلَمَّا اَعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا وَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه من ترك شيئا لله عوضه الله سبحانه وتعالى خيرا منه et il les a laissés Est-ce qu'ils adorent en dehors d'Allah Azzawajal? Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il lui a donné? Il lui a donné Ishaq, il lui a donné Yaqub, et tous, il a fait qu'ils soient des prophètes, et il les a comblés de leurs bienfaits, de ses bienfaits. Allah subhanahu wa ta'ala les a comblés de sa clémence, et il a fait qu'ils soient véridiques. Tous. Et notre prophète, alayhi salatu wasalam, qu'est-ce qu'il nous a dit? Qu'est-ce qu'il nous a enseigné? Alayhi salatu wasalam. Celui qui laisse quelque chose pour Allah, Allah subhanahu wa ta'ala lui donne mieux. Et il est le véridique qui n'a dit que la vérité, alayhi salatu wassalam. فَمَا هِيَ الدُّرُوسُ وَالْعِبَرُ الَّتِي نَأْخُذُهَا نَحْنُ مِنْ دَعْوَةِ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَى التَّوْحِيدِ. Maintenant, c'est quoi les leçons à retenir? Et c'est quoi les points à retenir de cette da'wa d'Ibrahim, alayhi salatu wassalam, qu'il a fait à son père quand il l'a appelé vers le monothéisme? أولاً, نتعلم كيف ندعو آباءنا إلى التوحيد. Premièrement, on apprend dans la da'wa d'Ibrahim alayhi salam comment appeler nos, quel comportement avoir avec nos parents pour les appeler vers le monothéisme. أولاً, التلطف والتأدب مع الآباء ومع الأمهات كما سمعنا من دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. دعوة صادقة حارة خارجة من القلب نابعة عن خلق وعقل وأدب قويم. أن يقول الولد لوالده يا أبتي هذا حرام والدليل كذا والله سبحانه وتعالى قال كذا يا أبتي هذا يضر بك يضر بصحتك والدليل كذا وكل هذا بأدب فإن أصر الوالد والوالدة على المعاصي نحسن إليهم في الدنيا ونتبع سبيل من أناب إلى الله سبحانه وتعالى أي نتبع سبيل المؤمنين والله علمنا في سورة لقمان قال عز وجل ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعلمون فمن لم يشكر الناس لم يشكر الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى وصى بالوالدين. ها أنت تكون معهم تعاملهم بالمعروف هم إلى طلبوا منك باش تعصى الله سبحانه وتعالى ما تعصاش الله سبحانه وتعالى ولكن تكون في قمة الأدب مع والديك أمك وأبوك لأنهم لا الله سبحانه وتعالى أمرك بهذا ولو كانوا كفارا ها ولكن لا تطعهما في معصية الله سبحانه وتعالى وكلما تكلمت إليهما تتلطف معهما وتتكلم معهما بأدب مهما يكون الحال. La première des choses que nous devons apprendre dans la da'wa quand nous voulons faire la da'wa à nos parents, à nos mères, etc., nous voulons les appeler vers le monothéisme, hein? Que nous soyons d'un noble comportement avec, comme nous l'avons entendu dans la da'wa d'Ibrahim, une da'wa véridique, une da'wa chaude, qui sort du cœur, hein? Et qui est une da'wa basée sur la noblesse du comportement et la noblesse du caractère, basée sur une raison saine et sur un noble comportement. Hein? Tu dis à ton père, père, ceci est haram. Allah subhanahu wa ta'ala l'interdit. Ceci va faire du mal à ta santé. La preuve, on est ceci et cela. Ma mère, ceci est mauvais. Et ainsi de suite. Et tu utilises le langage adéquat. Et tu ne rentres pas tout de suite en litige avec ton père. Et tu continues par respect de leur âge et parce qu'ils sont tes parents. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a ordonné de les respecter. Et s'ils s'entêtent dans leur désobéissance, tu as rempli ton devoir. Mais dans ce bas monde, tu dois être bon avec eux. Tu dois être d'un noble comportement avec eux. Et tu dois suivre la voie de ceux qui se sont repentis et sont revenus vers Allah Azza wa Jalla. La voie des croyants. Hein? C'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a appris dans Sourate Luqman. Et nous avons conseillé, ordonné à l'être humain qu'il soit bon avec ses parents. Hein? Sa mère l'a porté. Et il est évident, la grossesse de la maman est un moment difficile. Et aussi, il l'a allaité pour certaines femmes, comme il dit dans le Coran, ils allaitent 2 ans. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, remercie, sois reconnaissant envers moi et envers tes parents. Hein? Et vous allez tous revenir vers Allah. Nous allons tous revenir vers Allah. Mais Allah subhanahu wa ta'ala dit, il faut que tu sois bon avec. Il t'a ordonné d'être bon avec. Et il faut que tu sois reconnaissant à Allah et à tes parents aussi. Hein? Et si maintenant, ils font des efforts pour que tu fasses des associés à Allah, Zawajal, ou que tu désobéisses à Allah, Zawajal, tu ne leur obéis pas. Mais dans ce bas monde, tu dois être bon avec eux. Tu dois être d'un bon comportement avec eux. Et tu dois suivre le chemin de ceux qui se sont repentis vers Allah, Zawajal. Et la fin de tout le monde va être vers Allah, Zawajal. Hein? Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Et celui qui ne remercie pas les gens ne remercie pas Allah. Hein? Tanyan. Ida amarouka bi ma'siyatillah, fala ta'ata li makhlouqin fi ma'siyatil khaliq. Ida amaraka al walidain bi ma'siyatillah, fala ta'ata lahum. Quand les parents t'ordonnent deuxièmement de désobéir à Allah, il n'y a pas d'obéissance à une créature dont la désobéissance à Allah. فَإِذَا أَمَرَكَ أَبُوكَ أَنْ تَحْلِقَ لِحْيَتَكَ فَلَا طَاعَةَ لِأَبِيكَ لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ فَإِذَا أَمَرَكَ أَنْ تَتْرُكَ الصَّلَاةَ فِي الْمَسْجِدِ فَلَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ وَإِذَا أَمَرَكَ أَنْ تُدَخِّنَ أَوْ تَأْكُلَ الرِّبَا أَوْ تَشْتَرِيَ بَيْتًا بِالرِّبَا فَلَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ إِذَا أَمَرَتِ الْوَالِدَةُ ابْنَتَهَا بِالتَّبَرُّجِ فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ومع ذلك صاحبهما في الدنيا معروفة كن خير صاحب لهما مع كل هذا ولكن لا تطعهما في معصية الله سبحانه وتعالى maintenant s'il te ordonne de désobéir à Allah عز وجل tu ne le obéis pas il n'y a pas d'obéissance dans la désobéissance à Allah il n'y a pas d'obéissance à une créature même si c'est tes parents dans la désobéissance à Allah On n'oublie pas aux créatures. Si ton père t'ordonne de te raser la barbe, tu ne la rases pas. Il n'y a pas d'obéissance à une créature dont la désobéissance à Allah. Si ton père t'ordonne de délaisser la prière dans la mosquée, tu n'oublies pas. Tu vas prier à la mosquée. Hein? Il n'y a pas d'obéissance à une créature dont la désobéissance à Allah. Si ton père t'ordonne de fumer ou d'acheter une maison avec intérêt, tu n'oublies pas. Il n'y a pas d'obéissance à une créature dont la désobéissance à Allah, Azza wa Jal. Si maintenant la mère ordonne à sa fille de s'exhiber et de sortir son hijab, il n'a pas à lui obéir dans ça. Il n'y a pas d'obéissance à une créature dont la désobéissance à Allah. Et malgré tout ça, même s'il t'ordonne de désobéir à Allah, Azza wa Jal, tu dois être d'un bon comportement et un bon compagnon avec eux. Mais tu ne leur obéis pas dans la désobéissance à Allah Azza wa Jal. Et ton comportement doit être noble avec eux. Hein? Et leur montrer avec le meilleur des comportements que ceci. Je vous aime mes parents. Mais Allah, j'aime plus Allah qu'autre chose. Et je suis obligé d'obéir à Allah Azza wa Jal. Et je ne peux pas faire ce que vous me dites là. Parce que Allah, il me l'a interdit. Et je fais ce que vous voulez dans l'obéissance à Allah Azza wa Jal. Vous voulez que j'aille, hein, ou faire les courses, que j'aille à cas, j'emmène en voyage, là que je parte avec eux. Il n'y a pas de problème. Tant que c'est dans l'obéissance à Allah, Azza wa Jal, et tu ne dois pas avoir un mauvais comportement, n'importe comment, tu ne dois pas avoir un mauvais comportement avec. الدرس الثاني علينا أن نهتم بعقيدة التوحيد. تعلمنا يجب أن نتعلم من دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه يجب علينا أن نهتم بالتوحيد وبعقيدة التوحيد. La deuxième leçon qu'il faut retenir de la dawa d'Ibrahim alayhi salatu wassalam, c'est que nous devons donner l'importance au dogme et au monothéisme. عندما نتكلم عن التوحيد نبين للناس أن الأصنام التي تعبد من دون الله لا تسمع ولا تضر ولا تنفع كما فعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام. هذا الذي يعبد القبر أو يعبد الشمس أو يعبد هذه طواغيت تعبد من دون الله سبحانه وتعالى ها؟ هذه الآلهة المزعومة لا تسمع ولا تبصر فإذا رأيت إنسانا يدعو وليا ميتا في قبر فتنبه على أن هذا لا يسمع ولا يراه ولا يحس به. وربنا يقول وتذكره بقول الله عز وجل: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وتذكره بقول الله عز وجل: فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. فالميت قد مات، الميت لا يسمع ولا يرى ولا ينفع ولا يضر أبدا. وربنا يقول: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل فرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وقال تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. كم من المسلمين، كم من آبائنا وأجدادنا وعماتنا يستغيثون بغير الله ويدعون غير الله، ولكن علينا أن نبين لهم بالتي هي أحسن. المقصود أن نخرجهم من هذا الظلام ومن عبادة من هذا الشرك الذي هم واقعون فيه. وهذا يجب أن نتعلمه في دعوة الأنبياء، ولنا أسوة حسنة في إبراهيم كيف كانت دعوته مع أبيه، وأبوه كان يصنع فقط، ما كان فقط يعبد الأصنام، كان يصنعها. Donc, il faut qu'on donne l'importance au monothéisme. Et quand on parle aux gens du monothéisme et de l'adoration, tout ce qui s'adore en dehors de Allah Azza wa Jal, que ce soit les statues, il faut leur montrer de la meilleure des façons et de la plus simple des façons en quoi ce qu'ils adorent, cette tombe ou la souali, n'entend pas, ne voit pas, ils ne sont pas ce que nous faisons à côté de lui. Il faut qu'on attire leur attention sur le fait que hada, il est mort, il ne peut rien, c'est fini. Comme il est dit dans le Coran, et tu prends, et le fait de prendre beaucoup de versets du Coran, hada, ça sert beaucoup. Il y a des versets du Coran qui disent: c'est, vous leur demandez, ils ne vous entendent pas. Et même s'ils vous entendent, ils ne pourront pas vous répondre. Et le jour de la résurrection, ils vont rejeter et désavouer l'associationnisme que vous avez fait. L'autre verset, il dit: tu ne fais pas, tu ne peux pas faire écouter les morts, et tu ne peux pas faire écouter ceux qui sont sourds. Enfin, le mort, quand il est mort, c'est fini. Il n'entend pas, il ne voit pas, il sent rien, il ne fait ni le bien ni le mal. Il faut arriver à lui faire comprendre ça quand on est éprouvé avec un proche qui est à ce stade-là. Il faut arriver à lui faire comprendre ça par la meilleure des façons. En prenant comme preuve les paroles d'Allah Azza wa Jal. Et en prenant comme modèle dans notre façon de faire la voix de Ibrahim alayhi salam et d'autres leçons qui sont dans la vie d'autres prophètes alayhi salam. Et il est dit dans l'autre verset dans Surah Zumar: si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, ils vont te dire c'est Allah. Dites alors: pourquoi vous demandez à autre qu'Allah Azza wa Jal? Et dites-moi, est-ce que ceux à qui vous demandez en dehors de Allah Azza wa Jal, ils peuvent vous enlever un mal qui vous touche? Ou là, si Allah il veut pour vous une clémence, il peut vous l'enlever? Et tu prends aussi l'autre verset: si Allah tu touches avec un mal, il veut pour toi un mal, il n'y a personne qui peut le dissiper. Alaykoum salam wa rahmatullah. Il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui peut dissiper le mal. Combien de musulmans demandent à des temples, à des morts, et cherchent secours auprès des morts? Combien nous avons chacun de nous dans nos familles de personnes qui s'adressent aux temples? Et donc dans notre da'wah à ces gens-là, il faut essayer de le sortir de là. Il faut avoir pitié pour eux. Et essayer de les amener à comprendre qu'ils sont dans un danger énorme. Mais il faut le faire de la meilleure des façons. Il faut prendre la leçon dans cette façon, hein, et dans cette façon qu'il avait eu, hein, Ibrahim alayhi salatu salam avec son père. والدرس الثالث أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما هاجر أباه وقومه الكفار أبدله الله درية صالحة مؤمنا وجعل فيها النبوة. Il faut aussi rappeler aux gens et nous rappeler à nous-mêmes aussi, nous en avons besoin, que celui qui délaisse quelque chose pour Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, il lui donne mieux. Souvent tu entends des personnes, mais qu'est-ce qui va m'arriver si je laisse ça? Ya akhal islam, laisse cette mauvaise chose que tu vas laisser par agrément à Allah Azza wa Jal, par soumission à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah il va te donner mieux. Hein? Car Allah, Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit, et lui c'est le véridique qui n'a dit que la vérité, celui qui laisse quelque chose pour Allah, Allah subhanahu wa ta'ala lui donne mieux. Hein? Ibrahim, quand il a quitté son père, il a quitté son peuple, qui sont des associateurs, Allah subhanahu wa ta'ala l'a comblé avec une descendance dans laquelle il a mis la prophétie. Hein? Il a donné mieux. Wa rasuluna sallallahu alayhi wa sallam, indama taraka Makkah, wa ahlaha alladhina aadawhu wa aadawhu, abdalahu Allahu al-ansara fil Madina, nasaruhu wa azzaruhu wa attaba'uhu. واتبعوا النور الذي جاء معه ووقفوا معه وقاموا دولة الإسلام من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. والآن يجب أن نتفكر في هذا لتسهل علينا هجرتنا. فنحن الآن أولادنا في خطر ونحن في خطر، ويأتيك الشيطان ويقول أنا إذا هاجرت إلى المغرب وإلى تونس من أين لي المال الذي سأداوي به الأولاد؟ من أين لي كذا؟ من أين لي كذا لبيل؟ من أين لي كذا؟ يا أخي الإسلام، إذا تركت شيئا لله فسيعوضك الله أحسن منه. كيف أنت هاجرت لكي تفر بدينك وسيتركك الله؟ ما هذا سوء الظن بالله سبحانه وتعالى؟ كيف هذه الحسابات الفارغة؟ Notre prophète alayhi salam, quand il a délaissé la Mecque, qui est son pays et qui est la terre la plus aimée d'Allah Azza wa Jal, parce que son peuple était sévère avec lui, hein? Ils lui ont fait beaucoup de mal, ils lui ont fait endurer beaucoup de choses. Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné les alliés de Médine, Ansar, qui l'ont accueilli, qui l'ont fait triompher et qui l'ont aidé à propager sa religion, et il a établi un état. Donc celui qui délaisse quelque chose pour Allah, Allah subhanahu wa ta'ala lui donne mieux. Regarde notre situation maintenant. On est dans un danger avec l'éducation de nos enfants. Et Shaitan vient et nous jette des ambiguïtés à notre tête. Si je fais le hijra au Maroc, ou là en Tunisie, ou là si, mais il y a aussi le mal en Tunisie, il y a le mal au Maroc, il y a ceci, cela. Des obstacles. Adormez. Le mal qui est ici est moins ou pire que là-bas? Il est évident, déjà là-bas, tu entends l'adhan. Ça, c'est une chose. En plus de ça, c'est des mauvaises suspicions sur Allah, Azza wa Jal. Toi, tu délaisses quelque chose pour sauver ta religion et pour sauver tes enfants, pour qu'ils soient éduqués dans une éducation musulmane. Et tu veux que Allah, subhanahu wa ta'ala, te délaisse. Et tu commences à faire des calculs qui ne sont pas. Comment je vais faire? Il faut que je paye les médicaments. Il faut que je paye le médecin. Il n'y a plus de CMU. Il n'y a plus d'RMI. Il n'y a plus d'appel. Il faut que je paye toute l'allocation. Ah, subhanallah. C'est quoi ce calcul? C'est quoi ce calcul? Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit, hein, celui qui délaisse quelque chose pour Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, il lui donne mieux. Hein? Il faut qu'on authentifie notre dogme. Évidemment, il faut qu'on mette les moyens de notre côté. Il n'y a pas de problème. Mais il ne faut pas commencer à opposer à avoir des ambiguïtés quand nous allons faire le pas pour délaisser, hein, et sortir et accomplir un des actes que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a accompli. Il a fait le hijra de la Mecque vers Médine pour sauver sa religion. Certains disent, mais nous aussi on a fait l'hijra vers l'Europe. Cheikh al-Islam, c'est pas bien de dire que tu as fait l'hijra d'un pays musulman. Si là, l'hijra, sa terminologie, le lexique religieux, que l'hijra c'est le fait de quitter un pays mécréant pour sauver ta religion vers un pays de l'islam. Et le fait de quitter la désobéissance à Allah Azzawajal et d'aller dans l'obéissance à Allah Azzawajal. Le fait de quitter un lieu de l'innovation vers un lieu de la sunna. Hada c'est la hijra. Mais quand ici, tu as voyagé, tu t'es fait gharib, tu t'es fait étranger. Hada, je me suis fait étranger en Europe. Comme ça, ça doit être. Ils n'ont pas, j'ai fait les hijras. Certains, ils disent, blad le majeur. Quel blad le majeur? Là, tout ça, c'est faux. C'est induire en erreur. L'hijra, c'est le sens contraire. C'est quitter le pays dans lequel les emblèmes de l'islam ne sont pas apparents vers le pays de l'islam. Hada, c'est l'hijra. Mais quand on va en Europe, là, c'est autre chose. On voyage pas. Notre voyage n'est pas pour Allah. Il est pour un point de vue économique. Pour le ventre et pour le portefeuille et pour la poche. Moussa, alayhi salatu wassalam, عندما خرج من مصر خائفا يترقب من فرعون من الله سبحانه وتعالى عليه وأنزل عليه الرسالة في البلاد التي هاجر إليها ورزقه زوجة وأمنا وعملا عند الرجل الصالح موسى عليه الصلاة والسلام quand il a quitté l'Égypte il avait peur il avait peur de Pharaon et de l'armée de Pharaon il a quitté quand il a tué le copte il s'est sauvé en ayant peur Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné la révélation. Dans le pays où il a fait son immigration, sa hijra, Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné risala, le message. Il lui a donné une femme. Il lui a donné la sécurité et un travail selon pieux. Il lui a donné quelque chose de mieux ou pas quand il est sorti d'Égypte. Certes, il lui a donné quelque chose de mieux. فإذا هجرت من بلد الكفر إلى بلد الإسلام لأنك تدعو إلى التوحيد وتريد أن تقيم التوحيد في نفسك وفي أولادك وإذا سجنت أو أديت لأنك تدعو إلى التوحيد فاعلم بأن الله سبحانه وتعالى سيجعل لك مخرجا وسيبدلك دارا خيرا من دارك وأهلا خيرا من أهلك إنه ولي ذلك والقادر عليه Maintenant, si tu quittes une région pour une autre parce que on te veut du mal, parce que tu fais la da'wa d'il tawhid, ou parce que tout simplement tu veux sauver ta peau, tu veux sauver ta religion, sauver la religion de tes enfants, et si maintenant parce que tu appelles au monothéisme et à la sunna on te met en prison, et on te fait des mal parce que tu appelles au monothéisme, si tu es dans un pays de, où le sophisme c'est le pouvoir, etc., sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala, après cette oppression, il va te faire une issue de laquelle il va te changer, une meilleure, il va te donner une meilleure demeure que celle dans laquelle tu étais. Il va te donner une meilleure situation que celle dans laquelle tu étais. L'essentiel, c'est de faire confiance à Allah Azza wa Jal. Sallallahu subhanahu wa ta'ala wa rizukna wa iyyakum imanan sadiqan wa aqidatan sahiha. ونجعلنا وإياكم من المحققين للتوحيد والمتبعين للمصطفى عليه الصلاة والسلام وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصل اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم أحسن الله لكم جزاكم الله خيرا وغدا خير c'est quitter le pays dans lequel les emblèmes de l'islam ne sont pas apparents vers le pays de l'islam هذا c'est l'hijra mais quand on va en Europe Là, c'est autre chose. On voyage pas. Notre voyage n'est pas pour Allah. Il est pour un point de vue économique. Pour le ventre et pour le portefeuille et pour la poche. Moussa alayhi salatu wassalam. عندما خرج من مصر خائفا يترقب من فرعون. من الله سبحانه وتعالى عليه وانزل عليه الرسالة في البلاد التي هاجر إليها ورزقه زوجة وأمنا وعملا عند الرجل الصالح. Moussa alayhi salatu wassalam, quand il a quitté l'Égypte, il avait peur. Il avait peur de Pharaon et de l'armée de Pharaon. Il a quitté quand il a tué le copte. Il s'est sauvé en ayant peur. Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné la révélation. Dans le pays où il a fait son immigration, sa hijra, Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné risala, le message. Il lui a donné une femme. Il lui a donné la sécurité et un travail selon pieux.